Brrr, il fait froid. Je pense qu'il gèle parce qu'il y a de la glace sur le bassin dans le jardin. As-tu froid? Non, je n'ai pas froid parce que je porte un manteau, des gants, un bonnet, une écharpe et des bottes. Regarde dehors, il commence à neiger. Quel beau flocon de neige! Vite, dépêche-toi! On va faire un bonhomme de neige. J'arrive tout de suite. As-tu une carotte pour le nez? Non, je pense que mon cochon d'Inde a mangé toutes les carottes. Ça ne fait rien. J'ai trouvé une pomme rouge. Il va ressembler à Rodolphe, le renne au nez rouge.